Chaque jour, vous avancez dans la rue numérique. À chaque pas, vous laissez une trace, un reflet de qui vous êtes. Sur Facebook, vos souvenirs. Sur Instagram, vos images. Sur TikTok, vos émotions. Et sur Google, votre vitrine ouverte au monde. Chacun de ces espaces parle de vous, parfois sans que vous le sachiez. Ensemble, ils forment votre présence sociale, votre empreinte numérique. Et vous ? Savez-vous quelle image vous renvoyez en ligne ? Prenez quelques instants pour explorer votre identité numérique.